Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. La science CQFD, Natacha Triou. Aujourd'hui, pour ce mercredi grand portrait, nous avons la chance de rencontrer un grand nom de la recherche fondamentale en mathématiques. Nalini Anantharaman est notre invitée. Deuxième femme à être titulaire d'une chaire en mathématiques au Collège de France, la chaire de géométrie spectrale, ou comment la géométrie influe sur le comportement des ondes. Mais la curiosité de cette chercheuse ne s'arrête pas là. En 20 ans de carrière, ses travaux se situent à la croisée de la géométrie, la théorie spectrale, la théorie des systèmes dynamiques et la physique mathématique. Nalini Anantharaman aime garder une vision panoramique des mathématiques, car pour elle, elles sont avant tout une façon de connaître le monde. Nalini Anantharaman, la géomètre du chaos. Nalini Anantharaman, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de géométrie spectrale depuis 2022. Mille merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr. Mais aussi sur Twitter, sur X, pour notre fil @CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment devient-on géomètre spectral? Quelle est l'histoire de la géométrie spectrale et quelles peuvent en être les applications concrètes? Comment la géométrie influe-t-elle sur la propagation des ondes? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et votre corde sensible avec le compositeur Yanis Zenakis. Nous sommes en 2020. Il y a une relation directe entre vos études mathématiques et vos études d'architecte et votre travail de composition musicale. Oui, bien sûr. Parce que dans les mathématiques, on trouve la clé, ou plutôt des méthodes sûres de raisonnement qui pourtant existent dans tous les autres domaines de l'esprit, également de la musique. Et tous les compositeurs et tous les musiciens font des mathématiques sans le savoir, depuis les temps historiques. Oui, mais vous le faites en pleine conscience. Alors oui, j'ai été obligé de faire ça en pleine conscience parce que chaque fois que je faisais quelque chose, je me demandais mais pourquoi. Et si on se donne chaque fois une certaine limite, on se dit pourquoi cette limite et pas d'autres limites. Est-ce que le sentiment est intéressant s'il y a de l'inspiration ou sentiment, comme on dit, c'est une séquelle d'ailleurs du 19e siècle. Ou est-ce que je peux aller plus loin et exprimer quoi? Quels sont les problèmes? C'est-à-dire faire de la musique en réalité correspond à se poser toutes sortes de questions, à faire finalement de la philosophie. Yanis Zenakis dans la tribune de la musique vivante sur France Musique en 2020. Nalini Anantharaman, on l'entend parler du lien entre maths et musique. Vous partagez son point de vue? Oui, alors c'est connu hein, que les mathématiques sont très présentes dans les structures musicales. Par exemple, notre gamme diatonique utilisée dans la musique occidentale nous vient de Pythagore. Elle est construite sur la quinte qui est obtenue en divisant l'accord de nombre entier, et puis c'est à partir de la quinte que Pythagore a construit notre gamme. De nombreux mathématiciens, scientifiques ont réfléchi à ça. On est l'exemple des travaux du mathématicien Euler, qui a essayé, bon, ça c'était un peu peut-être aventureux, mais il a essayé d'expliquer par l'arithmétique le plaisir esthétique qu'on peut ressentir dans la musique. Dans le rythme aussi, il peut y avoir beaucoup de mathématiques, alors peut-être moins dans la musique occidentale, mais par exemple dans la musique indienne, vous avez des mesures à 13 temps, à 17 temps, et donc quand on fait des percussions indiennes, il y a des questions d'arithmétique qui se posent sur les nombres premiers, 13 et 17 par exemple. Dans une interview, vous dites « Les mathématiques sont à la physique, ce que la musique est à la poésie. Dans un cas comme dans l'autre, nous pouvons nous passer de mots. Notre manière de comprendre ce qui nous entoure, c'est le théorème. » Oui, alors bon, moi je me reproche assez souvent d'être un peu avare en parole et d'être plus à l'aise avec les moyens d'expression qui se passent un peu de parole. Donc les mathématiques en sont un, et en particulier quand je compare à nos collègues physiciens, sont souvent très forts pour... pour décrire en termes assez imagés et la réalité qui nous entoure, et pour, en particulier pour traduire les équations en longs discours philosophiques ou non. Il y a un petit peu la même chose en musique, en fait, par rapport à la poésie, on exprime des émotions, mais dans un langage assez abstrait. Voilà. Enfin, on voit bien que la musique et les mathématiques, ce sont deux disciplines sœurs. Après, ce qui est intéressant dans l'interview de Xenakis, là, que je connaissais pas, c'est que lui, il parle beaucoup d'introduire de la rationalité dans la musique, de réfléchir, de raisonner, la notion de raisonnement en musique. Ça, c'est vrai que c'est un point de vue que j'avais pas encore envisagé. Voilà, c'est intéressant. Il y a la rationalité, puis il y a aussi de nombreux mathématiciens qui parlent de la beauté des mathématiques. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? Alors, oui, mais souvent on fait un petit peu peur aux gens quand on parle de ça, parce que on donne l'impression qu'on peut juste contempler des mathématiques et être saisi instantanément par leur beauté. Et peut-être il y a certains collègues mathématiciens qui fonctionne comme ça. C'est vrai, j'ai entendu certains collègues parler d'avoir la chair de poule juste en imaginant une figure géométrique. Mais les mathématiques, c'est aussi quelque chose qui se pratique en action. Enfin, on fait des mathématiques et c'est un plaisir actif. En fait, c'est assez rare qu'on écoute une conférence de mathématiques, on reste pas passif dans son fauteuil à se laisser imprégner par les sensations comme on pourrait le faire peut-être dans un concert. Pour apprécier un exposé de mathématiques, il faut être très actif. Hein. Souvent, c'est rare qu'on comprenne tout instantanément. Donc, il faut souvent prendre un papier, un crayon, essayer de refaire les choses à sa manière. Donc, c'est vraiment en s'appropriant les choses et en étant actif qu'on perçoit cette beauté en général. Donc, pour moi, en tout cas, la beauté des mathématiques, ça consiste pas juste à se laisser gagner par des sensations et à ressentir une beauté aussi immédiate que celle qu'on peut voir quand on observe un paysage ou une œuvre d'art. Voilà. La beauté active de la pensée, d'une certaine façon. Mais Nalini Anantharaman, je souhaitais commencer cette émission avec cette archive, parce que justement la musique et vous, on va le voir dans votre parcours, il y a un lien fort. Et d'ailleurs, avant de commencer à parler de vos travaux et de vos recherches, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu justement de votre cheminement. Vous êtes né le 26 février 1976 à Paris, vous avez grandi à Orléans. Vous savez comment est née votre passion pour les maths ? Alors, j'ai grandi à Orléans, mes deux parents sont universitaires, hein, au départ mathématiciens tous les deux, et mon père est devenu informaticien assez vite. Il est venu d'Inde en France pour étudier les mathématiques. Et en fait, c'est un quartier d'Orléans qui est assez intéressant. Ça s'appelle Orléans-la-Source, qui est un peu une cité utopiste, qui est née dans les années 60, où il y a eu cette idée de faire naître un campus de recherche scientifique au milieu de la forêt, à 120 km de Paris. Et donc, beaucoup de scientifiques sont venus s'installer là, dont mes parents. Et donc, voilà, j'ai grandi avec des parents mathématiciens, donc je savais que les mathématiques étaient actives, et que ça pouvait rendre heureux. Donc ça, c'est une chose. Après, à l'école, j'ai toujours aimé les sciences d'une manière générale, physique, sciences de la vie et mathématiques. Donc, je savais que dans les disciplines scolaires, ça serait une de ces trois disciplines. Et puis, je pratiquais aussi la musique. Donc il y a eu un moment où j'ai pas mal hésité sur mon orientation. Je joue beaucoup de piano et je me posais la question. Et vous avez donc baigné très tôt dans un milieu chargé d'une culture scientifique, mathématique. Vous jouez au piano. Comment c'est fait? Comment vous avez réussi à faire le choix entre les maths ou la musique? Un petit peu influencé par le milieu familial. Hein. Je voyais que mes parents étaient plus rassurés par les études scientifiques. Moi-même, j'étais peut-être pas 100% sûre de vouloir. C'était dans mon milieu, les études musicales étaient présentées comme risquées et plus risquées que les études scientifiques, et peut-être j'étais pas assez sûre de vouloir effectivement prendre ce risque pour me lancer là-dedans. Et puis donc je me suis lancée dans les études scientifiques en me disant qu'on verrait bien, et ça m'a j'ai continué. Et j'ai continué à hésiter entre mathématiques et physique pendant un certain temps. Oui, c'est ça, parce qu'après, pour prolonger ce parcours, 2 ans de classe prépa scientifique Louis Le Grand, vous entrez à l'ENS Paris, en licence, vous suivez donc ce cursus de maths et de physique. Et là encore, comment se fait le choix des maths ? Donc, dans les premières années, j'ai continué à suivre des cours de mathématiques et de physique. Mais c'est devenu assez clair au bout d'un moment que, même dans la physique, c'était plus le côté théorique et abstrait qui me plaisait. Les expériences, ben peut-être je suis peut-être pas assez méticuleuse pour réaliser des expériences. Ça demande vraiment énormément de soins. Donc à partir de au bout d'un 2 ans d'études, ça commençait à être clair que je voulais continuer dans les maths, mais en gardant un intérêt pour la physique théorique. Oui, c'est que les sciences expérimentales vous plaisaient quand même moins que la théorie. Oui. Tout à fait. Alors, 2000, vous soutenez votre thèse en mathématiques à l'UPMC sur la théorie des systèmes dynamiques chaotiques, on y reviendra. Vous êtes vite recrutée pour être maître de conférence à l'ENS de Lyon, puis à l'École Polytechnique en tant que chercheuse au CNRS, puis à l'Université Paris-Sud à Orsay, où vous devenez professeur. On peut dire que ce qui caractérise vos recherches et votre parcours, c'est quand même la grande diversité de sujets, de domaines que vous abordez. À la fois oui et non, je dirais, parce que c'est vrai que toutes les sciences sont de plus en plus spécialisées, donc si on mélange, et elles se sont, depuis les années 50, les mathématiques sont vraiment déjà d'une part divisées en mathématiques pures et mathématiques appliquées. Pure, ça veut dire qu'on recherche, on fait de la recherche, mais sans se demander si ça va servir directement à des applications technologiques, et au contraire, appliquées, c'est on essaie plus à répondre à des questions de société ou des questions qu'on peut avoir envie de résoudre des entreprises, par exemple. Donc il y a eu déjà cette division, et puis même au sein des deux, il y a eu des divisions en probabilité, analyse, géométrie, et peut-être à un moment, c'est allé un peu trop loin, et maintenant, on est, dans les gens de ma génération, on est quand même pas mal à vouloir un peu recasser ces cloisons qui ont été édifiées depuis 30-40 ans, quoi. Vous, de façon générale, vous n'allez pas forcément chercher d'applications concrètes à vos travaux. C'est pas j'ai toujours travaillé du côté de ce qu'on appelle les maths pures, sans répondre à une demande directe d'application concrète. Votre motivation principale, c'est la connaissance en soi. La connaissance, voilà, l'exploration. Enfin, le plaisir que ça me procure, c'est le plaisir de l'exploration, d'avoir l'impression de marcher sur des chemins qui n'ont pas été explorés auparavant. Parce que quand même, en 20 ans de carrière, vous avez déjà travaillé sur les systèmes dynamiques chaotiques, la théorie spectrale des surfaces aléatoires, la géométrie spectrale, ce sont des domaines, je crois, plutôt différents. Pour un artisan, ça reviendrait à passer de l'ébénisterie au tricot. Ce que vous aimez, c'est de trouver des liens entre différentes théories ? Effectivement, j'ai pas toujours très envie de creuser à fond une théorie particulière, mais je suis assez forte pour voir ce que une théorie peut apporter quand elle est combinée à une autre. Effectivement, ma culture d'origine, c'est la théorie des systèmes dynamiques sur lesquels mes recherches d'origine portaient, plus spécifiquement les systèmes dynamiques chaotiques. Mais voilà, justement, on rentre. J'aime bien poser la question de la thèse lors de ces grands entretiens. Votre thèse, en effet, qui porte sur la théorie des systèmes dynamiques chaotiques. C'est une théorie qui s'est développée tout au long du XXe siècle. Comment se définit cette théorie, Nalini Anantharaman? Alors, les systèmes. Déjà, le mot système dynamique, en mathématiques, ça décrit ce qu'on fait quand on répète toujours la même opération ou toujours le même geste. Souvent, quand on répète comme ça à l'infini ou un très grand nombre de fois une opération ou une transformation ou un geste, il apparaît à la fin une structure qui est assez souvent fractale, en fait. Enfin, une structure qui mérite d'être étudiée. Les systèmes donc au départ, on peut dire que cette théorie est née de l'étude du système solaire, en particulier les travaux de Poincaré, Henri Poincaré. Fin du 19e siècle, début du 20e, qui cherchait à démontrer ce que les astronomes pensaient, qui était que le système dynamique, c'est le mouvement des planètes autour du dans le système solaire, donc le mouvement qui va se répéter potentiellement pendant un temps infini, et on se demande si le mouvement des planètes va toujours être aussi régulier que celui qu'on observe à notre échelle de temps, et c'est ce que pensaient tous les astronomes, que les planètes allaient toujours à intervalles de temps réguliers revenir au même endroit en suivant des ellipses ou des trajectoires en tout cas périodiques qui ressemblent un peu à des ellipses. Donc Poincaré voulait le démontrer. C'est une histoire célèbre en science. Il a trouvé une démonstration et puis en pas très longtemps après, il a découvert que sa démonstration était fausse. Et en fait, en essayant de corriger cette démonstration, il a découvert qu'en fait, c'était exactement le contraire. C'est que sur des échelles de temps très longues, a priori, les planètes ou le système solaire pourraient être complètement instables et avoir un comportement complètement imprévisible et chaotique. Donc, il a commencé à entrevoir cette notion de chaos, qui veut dire l'imprévisible. Le chaos, finalement, ça veut dire que un système physique qui évolue, même selon des lois très bien définies, peut avoir un comportement qui paraît aléatoire, si on attend suffisamment longtemps. Donc il a commencé à entrevoir cette notion de chaos, et puis après ça a pris tout le XXe siècle, et même encore maintenant, il y a des recherches là-dessus, mais pour définir, pour comprendre ce que c'est que le chaos. Oui, c'est ça, c'est que le système solaire est imprévisible dans certaines conditions. C'est à partir de ce constat que s'est développée la théorie des systèmes dynamiques chaotiques tout au long du XXe siècle. Mais comment, qu'est-ce qui définit un système dynamique chaotique, en résumé? C'est l'apparition. En fait, c'est un système dynamique chaotique. C'est un système dynamique dans lequel on va voir les choses vont se comporter un peu comme si elles étaient aléatoires. Donc, on n'arrive pas à prédire, c'est comme quand on lance un dé un très grand nombre de fois, ça rentre dans le cadre de la théorie des probabilités, on peut pas prédire les résultats qui vont sortir. Et ben dans les systèmes dynamiques chaotiques, c'est un peu pareil, bien qu'on connaisse les lois du mouvement, hein, par exemple pour le système solaire, ce sont les lois de Newton sur l'attraction des planètes, donc on peut tout à fait écrire les équations, et bien malgré tout... on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Il y a un côté aléatoire. Et en fait, on se rend compte que pour un système dynamique chaotique, il faut mieux utiliser des outils statistiques pour décrire ce qui va se passer. Un peu comme quand on lance un dé, même si on ne peut pas prédire le résultat du 15e lancé, on peut quand même penser que chaque face, statistiquement, va sortir une fois sur six, si le dé n'est pas pipé. C'est pareil pour les systèmes dynamiques chaotiques. Finalement, il faut mieux parler de manière statistique. Ça a plus de sens que d'essayer de dire, de prédire ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas en fait. Alors, un système dynamique, c'est un système qu'on laisse évoluer dans le temps, et chaotique, ça veut dire que le système a l'air de se comporter de manière aléatoire. Alors, comment on passe de la théorie du chaos à la mécanique ondulatoire? Sur quoi portent vos recherches? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous avons la chance de passer une heure en compagnie de Nalini Anantharaman. On vient de parler de votre parcours, de comment vous avez grandi dans les équations côté recherche. Vous les faites au sein de l'Institut de Recherche Mathématique Avancée de l'Université Strasbourg. Vos travaux cherchent à décrire comment la géométrie influe sur la propagation d'une onde et le spectre associé. C'est la géométrie spectrale, un domaine mathématique qui fait le lien entre la géométrie d'un objet et son spectre de vibration. Pour introduire encore toutes ces questions, écoutons un des pionniers de la mécanique quantique, Louis de Broglie. Enfin, les travaux de M. Born sur la mécanique ondulatoire conduisaient à attribuer d'une façon certaine une signification probabiliste ou statistique à l'onde psi imaginée par la mécanique ondulatoire, tandis que les fines et suggestives analyses de M. Heisenberg et Bohr sur les relations d'incertitude et l'impossibilité de mesurer simultanément les grandeurs qu'on appelle canoniquement conjuguées ouvrait des horizons inattendus sur la portée des conceptions nouvelles de la physique quantique. Pour toutes ces raisons, est née l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire, plus généralement de la physique quantique, interprétation qui, tout en admettant l'existence de manifestations corpusculaires discontinues et d'apparentes propagations d'ondes, en est arrivée à ne considérer tout l'ensemble de la théorie nouvelle que comme un pur formalisme, permettant une prévision exacte de la probabilité des phénomènes observables. On ne cherche plus du tout, dans cette manière de voir, à expliquer par des images spatio-temporelles le dualisme des ondes et des corpuscules. On se borne à le considérer comme traduisant deux aspects complémentaires de la réalité physique, aspects que l'on doit constater comme un fait d'expérience, sans qu'il soit possible d'en préciser davantage la nature, ni de la représenter dans le cadre de l'espace et du temps. Voilà la voix de Louis de Broglie sur la mécanique ondulatoire dans l'émission Les Grandes Conférences en 1955 sur la RDF. Voilà, on entendait Nalini Anantharaman, Louis de Broglie parler de mécanique ondulatoire. En mécanique quantique, il y a cette notion très importante de dualité onde-particule. Oui, alors d'une part, oui, il y a deux expressions, mécanique quantique et mécanique ondulatoire, qui maintenant sont devenues synonymes. Mais dans les années, au début, dans les années 1910-1920, c'était un petit peu deux approches différentes qui sont avérées donner les mêmes résultats. Et la mécanique ondulatoire, c'est le fait que, alors c'est la théorie initiée par De Broglie et surtout par Schrödinger, qui fait que les objets qu'on a l'habitude de se représenter comme étant des particules, en particulier les électrons, au départ on les imaginait comme étant des petites planètes qui tournent autour du noyau, hein, comme un peu comme un tout petit système solaire. Et en mécanique quantique, en fait, sont représentés comme par une fonction qui s'appelle la fonction d'onde et se propagent comme des ondes. Cette fonction, voilà, donc il y a un comportement ondulatoire. Dans le comportement des électrons, par exemple. En tout cas, je vais vous parler de la fonction d'onde. Ce qui vous intéresse, c'est la propagation des ondes dans la nature. En plus, il existe une grande variété, qu'elle soit sismique, électromagnétique, acoustique. Dans la nature, il y a plein d'ondes qui sont des objets physiques très différents, mais qui, pour les physiciens et donc aussi pour les mathématiciens, sont décrits par des équations. Et en fait, ces équations se ressemblent toutes un petit peu. Donc c'est la famille des équations d'ondes sur lesquelles, finalement, comme mathématicien, on peut travailler en oubliant l'origine physique du phénomène. Hein, c'est à peu près la même équation qui va régir la mécanique ondulatoire, qui va régir la propagation d'une onde sonore. Enfin, voilà, donc les théorèmes qu'on peut démontrer vont concerner un peu toutes ces ondes. Et ça, c'est la force des mathématiques. Pour certains, c'est une difficulté, mais en fait, c'est plutôt même une simplification. C'est qu'on, par l'abstraction, en fait, on extrait un peu l'essence mathématique d'un phénomène et on peut voir des analogies entre des phénomènes très différents les uns des autres. On évoquait il y a quelques instants cette théorie des systèmes dynamiques chaotiques, qui est née de l'étude de la mécanique céleste. Elle ne s'applique pas a priori pour la propagation des ondes. Et justement, comment vous êtes passé de la théorie du chaos à la mécanique ondulatoire? Vous souhaitiez décrire le désordre qui peut apparaître dans la propagation des ondes. Alors, si vous vous souvenez, donc je vous ai dit que la théorie des systèmes dynamiques est née en particulier de l'étude du système solaire, qui est quelque chose qu'on a tous en tête, hein, c'est quelque chose d'assez visuel, on voit des planètes se déplacer autour du Soleil. Dans l'interview de Louis de Broglie, au contraire, il dit que la mécanique quantique ne peut pas se baser sur des images spatio-temporelles. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut plus tellement utiliser nos sens, et en particulier le sens de la vue, pour imaginer les phénomènes de la mécanique quantique. En particulier quand on dessine un atome, comme on a toujours l'habitude de le faire, comme un noyau avec des planètes qui gravitent autour, c'est juste une image, mais ça correspond vraiment pas du tout à ce qu'est un atome. Et donc on n'a pas, il y a vraiment cette grande difficulté de la mécanique quantique qu'on peut pas céder avec des images. Et pourtant on a envie de le faire, même pas seulement le grand public, mais même les scientifiques ont envie de céder d'images. Les premiers scientifiques qui ont réfléchi aux atomes, même s'ils ont assez vite vu que l'image du système solaire n'était pas la bonne, ils ont toujours quelque part cette image derrière la tête. Et d'une certaine manière, on a quand même toujours envie de se raccrocher à cette... Même quand on fait de la mécanique quantique, on a toujours envie de se raccrocher un petit peu à la mécanique classique, à imaginer des trajectoires suivies par des particules. Et ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'approximation semi-classique. On peut considérer que la mécanique classique est une approximation de la mécanique quantique. Donc, c'est pas complètement faux d'imaginer que les ondes se déplacent presque comme des particules. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Toute la théorie de l'approximation semi-classique, c'est quelque chose que j'ai appris après ma thèse. Et en discutant, en lisant et en discutant, j'ai compris que j'allais pouvoir un petit peu mélanger les choses que j'avais apprises dans la théorie des systèmes dynamiques avec les équations d'ondes, en passant par cette approximation semi-classique, et que donc j'allais peut-être pouvoir importer certaines notions qui viennent de la théorie du chaos, j'allais peut-être pouvoir les importer du côté des ondes pour décrire, parce que les ondes aussi, quand on les regarde se propager, alors ça dépend évidemment beaucoup de la géométrie, hein, par exemple si c'est des ondes acoustiques, ça va dépendre de la géométrie de la pièce, mais on voit assez souvent des comportements un peu aléatoires, donc on a aussi quand même envie de parler de chaos, mais il n'y a pas de théorie qui explique ça, mais l'approximation semi-classique, voilà, m'a permis un petit peu d'importer certaines notions de la théorie du chaos pour les ondes. En effet, comme vous dites, quand une onde se propage dans une pièce, dans ce studio, la manière dont elle rebondit sur les murs, ça dépend complètement de leur forme. Mais comment justement la géométrie influe-t-elle sur la propagation des ondes ? Alors, peut-être vous avez entendu parler de ce qui s'appelle, alors j'utilise toujours le mot anglais, c'est « whispering galleries », mais c'est les galeries chuchotantes. Enfin, c'est le fait que dans certains dômes de cathédrales ou dans certaines pièces qui sont en forme d'ellipse ou de dôme, quand on se met dans un coin et qu'on chuchote, la personne qui est à l'autre bout nous entend très bien le chuchotement. La personne qui est diamétralement opposée, mais le long du mur. Passe. Et ça, c'est vraiment une propriété des cercles ou des ellipses qui fait que c'est possible pour les ondes de se propager en restant près du mur. Ce qui fait que quelqu'un qui serait au milieu n'entendrait pas du tout le chuchotement, mais quelqu'un qui est au bord, complètement de l'autre côté, va entendre très clairement ce qu'on dit. On cite souvent la cathédrale Saint-Paul, où ce phénomène a été observé. Donc, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une propriété géométrique très spécifique aux ellipses. Il y a certains, alors dans une salle de concert ou dans un studio ou dans une cantine de collège, on peut avoir envie, au contraire, d'atténuer certaines réverbérations. Et donc là, on le fait de manière un petit peu empirique, hein, mais on modifie la géométrie de la pièce en disposant des caissons ou des formes un petit peu aléatoire, quoi, mais pour essayer de justement d'éviter des réverbérations qui seraient malvenues. La géométrie spectrale, ouais, donc c'est quand même un domaine qui a connu deux naissances. Une première donc, qui date des années 1910 avec les précurseurs de la mécanique quantique, avec la théorie spectrale. Et puis la géométrie spectrale a connu une deuxième naissance dans les années 1960 avec le théorème de l'indice. Et alors pour cette partie, pour mettre en avant justement ces questionnements et pour qui sont soulevés par la géométrie spectrale, vous nous avez apporté justement un dispositif, une manipulation pour comprendre le théorème de l'indice. Oui, vous m'avez demandé dans ma leçon inaugurale, j'ai parlé du théorème de l'indice, vous m'avez demandé d'en dire un petit peu plus. Donc j'essaie de relever le défi. Des objets alors, même à la radio. Le théorème de l'indice, c'est un théorème assez abstrait et difficile, hein, qui dit que plusieurs nombres qui sont calculés de manière complètement différente sont en fait les mêmes. Donc c'est une coïncidence remarquable entre plusieurs quantités. Et pour l'illustrer, je vais essayer de parler un petit peu de ce qui s'appelle la caractéristique de l'air. Donc je vous ai apporté plusieurs formes, plusieurs polyèdres, hein, plusieurs formes en trois dimensions. Donc vous avez un cube, peut-être le polyèdre le plus connu, un tétraèdre, plusieurs autres polyèdres. Des cailloux aussi, je vois. Des cailloux, dont on parlera plus tard. Quand vous avez un polyèdre, vous pouvez compter les sommets, donc par exemple le cube a 8 sommets, vous pouvez compter les faces, le cube a 6 faces, et puis vous pouvez compter les arêtes, il a 12 arêtes. Et il se trouve que pour là, tous les polyèdres qui sont sur la table, si vous faites sommet plus face moins arête, ça va toujours faire 2. Par exemple avec le cube, ça va faire 8 plus 6 moins 12. Qui fait bien 2, et vous pouvez vérifier que pour n'importe quel polyèdre, ça va toujours faire 2. Donc ça, c'est déjà une première série de coïncidences remarquables qui avait été remarquée par le mathématicien Euler au XVIIIe siècle. Après, deuxième chose, là, on va passer du côté des objets lisses, comme la sphère, par exemple, où j'ai apporté des galets avec une forme un peu plus irrégulière, mais bien lisse. Donc ces objets, ils n'ont plus d'arête ni de face, ils sont courbés. Et on peut mesurer la courbure en chaque point. Par exemple, si vous regardez ce galet, il y a des endroits où il est très plat, donc la courbure est presque zéro. Et puis il y a des endroits où il est très courbé, la courbure est très grande. Et il se trouve qu'en fait, si on calcule la moyenne de la courbure et qu'on multiplie par la surface de l'objet, on trouve aussi toujours 2. Ça paraît miraculeux. Deuxième miracle, alors ça c'est un un autre théorème qui date maintenant du première moitié du 19e siècle, qui s'appelle le théorème de Gauss-Bonnet, qui est qu'on trouve la même chose en comptant des arêtes, des faces, etc. Et puis pour des objets lisses, en mesurant des courbures. Et puis le théorème de l'indice, lui, il arrive en 1963, donc beaucoup plus tard. Et là, bon, je vais quand même pas pouvoir... on va parler d'équation de Laplace, mais je vais pas vous faire un cours sur l'équation de Laplace. Mais l'équation de Laplace, c'est une équation qui vient au départ de la physique, de l'électrostatique, mais qui est très importante dans toute la physique, mais aussi dans toutes les mathématiques. Donc, voilà, c'est une équation qui, au départ, décrit les potentiels électriques. Et en fait, si sur chacun de ces objets, on peut essayer de trouver les solutions de l'équation de Laplace et de les compter... Et quand on les compte, on retombe de nouveau sur ce nombre 2. Et c'est là... Alors, le mot indice, il fait référence à cette manière de compter les solutions de l'équation de Laplace. Et honnêtement, je ne sais pas d'où vient le mot indice. En anglais, c'est index et en français, indice. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mais donc, c'est une troisième coïncidence donc, entre, au départ, des objets qu'on appelle combinatoires, donc calculés en comptant des phases, des arêtes, des sommets, des objets géométriques qui sont obtenus en calculant des courbures, et puis des objets, je dis spectraux, parce que c'est obtenu en trouvant les solutions de l'équation de Laplace. Dans tous ces objets-là que j'ai mis ensemble, ils ont en commun ce nombre 2. Et puis là, j'ai une autre famille d'objets pour lesquels tout ce que j'ai dit reste vrai, mais pour eux, leur nombre, c'est zéro. Alors, je ne sais pas si vous voyez... c'est encore des polyèdres, mais ils sont assez inhabituels. C'est un collègue qui me les a montrés récemment. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils ont de particulier. Il y a un trou au centre. Et puis, une tasse, elle a une anse par laquelle je peux la saisir. De même que ces polyèdres, ils ont un trou au centre. Et puis, j'ai fait les boulangeries du quartier. En fait, en venant, je voulais trouver un donut, mais je n'en ai pas trouvé. Le donut, il est aussi dans cette famille d'objets. Il a un trou. Et pour eux... si on calcule cette caractéristique de l'air, on trouve zéro. Et le théorème de l'indice, en fait, il nous dit que c'est un phénomène très général. Il y a une coïncidence entre ces trois nombres, donc des quantités combinatoires obtenues en comptant des sommets, des arêtes, des quantités géométriques, et puis un indice qui est calculé en résolvant l'équation de Laplace. Mais ce théorème de l'indice, il apparaît aussi dans plein de contextes différents. Alors en fait, au départ, c'est un théorème assez abstrait et pas facile, et qui est encore en train d'être développé en mathématiques, mais les physiciens le connaissent assez bien, et en particulier, là, depuis quelques années, on en parle beaucoup pour ce qui concerne ce qu'on appelle la matière topologique. Bon, je vais pas pouvoir vous expliquer très en détail ce que c'est, mais on a constaté que dans certains cristaux, quand ils sont coupés, il y a des courants de surface qui apparaissent et qu'on sait expliquer ces courants en calculant l'indice de certains objets mathématiques abstraits. Ouais, c'est que le développement abstrait de la théorie de l'indice, ça donne lieu à des nouvelles applications dans la physique actuelle. Oui. Quelles sont justement les applications de la géométrie spectrale? Quelles sont les grandes questions soulevées par cette discipline? Restez à l'écoute, on répond à ces questions après avoir écouté votre suggestion musicale. A meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. En direct sur France Culture, nous nous entretenons une heure avec Nalini Anantharaman, mathématicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de géométrie spectrale depuis 2022. On vient de parler de ce domaine mathématique, de comment vous étudiez la façon dont vibrent les formes géométriques et de comment les ondes se propagent. Mais là, on vient d'écouter Shape of My Heart de Sting. C'est votre choix musical, pourquoi ce choix ? Oh bah, j'étais fan de Sting quand j'étais ado, et puis j'ai réécouté cette chanson récemment en travaillant, et puis en l'écoutant plus attentivement, j'ai vu que les paroles parlaient un peu de maths, puisqu'il parle d'un joueur de cartes qui joue non pas pour gagner de l'argent, mais pour comprendre les lois secrètes de la chance et la logique de la chance, et voilà, c'est... Bon. Une chanson, elle est très belle, elle a de belles harmonies. Voilà. Une musique sur la géométrie secrète des nombres. En côté coulisses aussi, vous aviez hésité avec un autre morceau de Bach. Oui, j'avais hésité avec la chaconne de Bach, mais ça aurait été compliqué de sélectionner un extrait. En fait, c'est un morceau qui dure très longtemps. Et vous souhaitiez aussi, on cherchait ensemble justement une version orgue qu'on n'a pas trouvée. C'était aussi une façon pour vous de parler, de faire le lien sur comment on peut utiliser la géométrie d'un tuyau d'orgue et le son qu'il produit pour faire de la géométrie spectrale, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, depuis au départ, quand même, les maths et la musique, c'est plutôt quand même deux activités séparées dans ma vie quotidienne. Hein. Mais depuis un an, en fait, Étienne Gis, dont vous me parliez tout à l'heure, m'a suggéré d'éventuellement de rassembler les deux pour des conférences grand public. Donc j'ai un petit peu lu et j'ai découvert que plusieurs physiciens ou mathématiciens avaient vraiment réfléchi aux instruments de musique, et en particulier Daniel Bernoulli a réfléchi à la forme des tuyaux d'orgue et comment le lien entre le son produit. Et comme voilà, j'ai fait un peu d'orgue à un moment de ma vie, ça m'a particulièrement intéressée. On continue de parler des liens entre la musique et les mathématiques, hein, qui sont des liens anciens et profonds, mais qui font aussi l'objet de recherches très innovantes, comme vous avez pu le découvrir, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Vous êtes allée à l'Institut de recherche et coordination acoustique et musicale pour écouter comment les mathématiques ouvrent la création musicale. Oui, c'est ça. En mobilisant des notions topologiques, il est possible d'inventer des nouvelles manières d'écrire la musique. C'est le cas de Jean-Louis Giavito, chercheur dans l'équipe représentation musicale, et Sacha Blondeau, compositeur, qui ont collaboré sur la création d'une pièce électroacoustique. Notamment grâce au logiciel Antescofo, Sacha Blondeau développe un langage synchrone où la machine écoute l'interprète, analyse le tempo et en fonction intègre des événements électroniques par-delà la gamme jouée par l'instrumentiste. Là, c'était une caisse pour quatuor à cordes électroniques. Et il y avait cinq zones donc, qui en fait allaient faire plusieurs mouvements. En fait, cinq zones, c'était à chaque fois des zones dans mon espace topologique, en fait. Donc, il y a plein de moments, en fait, la pièce était en fait une suite de passages dans des zones différentes et parfois des retours. Et parce que justement, l'idée, c'était de se dire que quand on retourne dans un espace qu'on a déjà visité, on ne voit plus de la même manière. Et donc là, par exemple, ça correspondait à une certaine zone géographique de l'espace. Et puis, par exemple, une autre zone différente de l'espace et donc qui correspondait à un autre endroit de la structure topologique correspondante. Alors moi j'étais un peu obnubilé par les moyens d'organiser le matériau musical, puisque en fait depuis disons la fin du 19e, on a quand même beaucoup abandonné dans la musique contemporaine les langages très codifiés qu'on pouvait avoir avant, qui sont la musique tonale par exemple. Et donc on doit gérer, quand on écrit de la musique, beaucoup de paramètres, et moi j'essaie de trouver des moyens d'organiser ça et d'en avoir des sortes de représentations pour pouvoir essayer de les penser avec une sorte de recul et de position réflexive vis-à-vis d'elles. Et donc en fait, en discutant avec Jean-Louis, je me suis mis à travailler sur des structures topologiques, donc de travailler avec des notions d'espace pour organiser le matériau en fonction de ça. Donc je me retrouve maintenant avec des sortes de cartes en fait, dans lesquelles on voit des structures qui intègrent en fait du matériau musical, mais de façon symbolique, et qui me permet moi de créer des formes musicales par exemple, et d'essayer d'y réfléchir en essayant de voir justement quel type d'espace implique quel matériau. L'idée de Sacha, c'était est-ce que je peux avoir une représentation finalement des qualités musicales que je veux exprimer à un moment donné dans un passage, par exemple musical, et comment je passe d'une qualité à une autre. Et donc c'est l'idée d'avoir une espèce de plan. Donc on peut voir la partition comme un plan assez abstrait de la musique qui doit se dérouler, mais la partition est extrêmement codifiée, et elle est codifiée parce que elle fait appel à des événements musicaux, les notes, qui sont bien figées pour l'instrumentarium classique, pour les instrumentistes humains. Ça n'existe pas du tout pour l'électronique. Il y a énormément de manières de produire du son électronique, et donc on n'a pas de notation unifiée, on ne sait pas désigner le son électronique. Par ailleurs, le son électronique est beaucoup utilisé par les compositeurs pour quelque chose qu'on a énormément de mal à noter, qui est le timbre. C'est la qualité du son, hein. C'est pas la hauteur, c'est pas s'il est fort ou faible, c'est pas ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de formalisme, en fait, pour ces éléments. Pas de formalisme. Et l'approche de Sacha était une approche graphique mais spatial, un peu dans son essence, en disant mais en fait moi ce que je veux qualifier, c'est que certains passages ont certaines qualités, et quand j'ai certaines qualités, je peux aller à un passage qui a d'autres qualités. Et en fait on voit, quand je viens de dire on peut aller, on se rend compte qu'on est en train de faire des chemins, on fait des chemins donc dans un espace. Et le travail qu'on a fait donc ensemble, c'est de se dire mais en fait, si on parle de chemin, on peut peut-être essayer des notions qui ont été formalisées depuis longtemps en mathématiques pour essayer de rendre plus précis ces notions de chemin et de parcours, hein. Et on l'a fait dans des espaces qui sont très abstraits, puisque ça représente des qualités musicales. En fait, l'idée un peu fondamentale de ça, c'était de se dire que si deux choses étaient similaires ou qu'elles se ressemblaient, on pouvait dire qu'elles étaient voisines dans un certain espace abstrait. Et là, ce qu'on voit, c'est une sorte d'amas de tétraèdres. Donc là, c'est aussi ça, comment on passe d'un voisinage à l'autre, et comment un espace de pensée nous permet de construire des formes en essayant justement de penser quel est le paysage d'une certaine manière. Et là, en fait, ce qu'on voit... C'est comme une sorte de graphe en fait, sauf que là on travaille avec des tétraèdres, parce que justement c'est la réunion de tout un tas de paramètres, et une cellule musicale qui est la définition d'une sorte de qualité musicale, comme disait Jean-Louis. Là par exemple, c'était pour une pièce pour violoncelle à l'époque, et en fait j'avais des esquisses de travail en fait, j'avais comme ça une cellule musicale, et puis j'en faisais plusieurs interprétations, et l'idée c'était d'avoir un matériau qui soit sujet aussi à interprétation. En fait moi je commence une pièce en déclarant en fait des cellules avec lesquelles je vais travailler. C'est comme des promptes initiales. Oui, voilà, des données initiales, exactement. En fait, je dis, ben voilà, j'ai envie de travailler avec telle cellule musicale. Et en fait, c'est comme si je mettais dans un sac toutes les choses avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et ensuite, je vais avoir une représentation de ce sac de cellules musicales, en fait. Et ça, c'est une base de travail pour justement essayer de voir quels sont justement tous les liens qu'il y a entre toutes ces cellules musicales, pour en fait essayer de travailler avec un degré de complexité assez grand finalement dès le départ, et avec un matériau qui est vraiment le matériau de départ, parce que là aucune partition n'est encore écrite, mais c'est vraiment un endroit de pensée au départ. Mais ce qui m'a absolument passionné dans le travail avec Sacha, c'est que le formalisme mathématique n'est pas utilisé comme un carcan qui nous dirait quoi faire. Comme une règle. Il a été utilisé comme une aide à la pensée, comme un échafaudage qui nous a dit dans quelle bonne direction aller et à quoi faire attention, et ou que ce qu'on pouvait espérer ou ne pas espérer du formalisme qu'on avait. on a besoin de concrétiser. Alors c'est une notation un peu particulière, mais ça permet de jouer avec, et il y a une espèce de dialogue entre le compositeur et sa représentation qui lui permet d'aller plus loin, de réfléchir, de revenir dessus. Et le fait de revenir dessus pour reprendre et faire évoluer les choses me semble extrêmement important. Merci Céline Lauzen. Nalini Anantharaman, comment vous fait réagir ce reportage sur la spatialisation du son en composition musicale? C'est très abstrait, hein. J'ai pas pu écouter les morceaux en entier, donc je suis pas capable de dire si j'arriverai à reconnaître à l'oreille qu'il y a des mathématiques derrière. Ça serait intéressant. Je sais pas si c'est ce que recherchent les compositeurs, qu'une oreille exercée puisse reconnaître qu'il y a des structures mathématiques, mais je suis pas sûre que j'en serais capable. Moi, j'ai lu beaucoup plutôt de choses du 18e, 19e siècle, écrites par des mathématiciens sur la musique, où il était question d'essayer de comprendre par des formules pourquoi certains sons sont agréables à l'oreille. Là, c'est une approche vraiment très différente, puisqu'on parle d'utiliser les mathématiques comme un outil de composition, enfin, qui donne un petit peu des règles ou des guides pour la création. Il y a la notion peut-être de plaisir immédiat, n'a pas été mentionnée, mais peut-être remplacée par un plaisir plus intellectuel. J'ai pas écouté l'œuvre en entier pour me rendre compte. C'est un reportage qui nous permet de transitionner vers cette question. Quelles peuvent être les applications concrètes de la géométrie spectrale? Alors, il y a des applications, bien sûr, en acoustique, qui peuvent être la création, qui peuvent être aussi la conception de salle avec une acoustique demandée. Récemment, j'ai fait connaissance d'un collègue ingénieur qui travaille sur des questions proches, mais il a une formation vraiment d'ingénieur, donc il n'a pas du tout l'habitude des théorèmes. Il a plus un côté un peu bricoleur et puis programmeur. Et moi, au contraire, j'arrive du côté de la mathématicienne qui ne suis pas très bricoleuse. Et donc, on a comparé un peu ce qu'on faisait. C'était amusant de voir qu'on travaillait avec les mêmes objets, mais d'un point de vue différent. Et lui, par exemple, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il... Il essaye en claquant des doigts dans une pièce, juste en enregistrant un claquement de doigts, c'est-à-dire le claquement de doigts, il va prendre en compte justement la manière dont l'onde qu'on a générée est réfléchie sur les murs. Donc il arrive comme ça à enregistrer le signal de la réverbe d'une salle, et après il est capable, on lui donne un morceau de musique ou la voix de quelqu'un, il est capable de rajouter dessus la réverbe de son choix, qui peut être la réverbe d'une cathédrale, d'un amphithéâtre, d'université, etc. Donc il y a ce genre de tout ce qui est un peu traitement du signal. À un moment, on mentionnait aussi souvent la nécessité, par exemple, en ingénierie, enfin, quand on construit un pont, il y a ces fameux accidents de ponts qui sont écroulés parce qu'on les a fait, ils sont rentrés en résonance, par exemple, quand ils ont été traversés par des troupes, par exemple. Donc on essaye. À un moment, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de comprendre quand on construit un objet, comment faire pour éviter que certaines fréquences soient présentes dans le spectre de cet objet, pour éviter les phénomènes de résonance qui pourraient amener des accidents de ce type. C'est que la géométrie spectrale, c'est aussi un champ qui est marqué par les interactions avec la physique et donc qui a de nombreuses applications industrielles. Mais vous ne répondez pas à des problèmes concrets. Vous démontrez des théorèmes, Nalini Anantharaman. Vous êtes du côté de la recherche. Oui. Alors pure. Oui, alors si effectivement, pendant la journée, en dehors de mes heures d'enseignement, je réfléchis à des démonstrations. Donc je sais que ça paraît un petit peu mystérieux pour les gens, savoir à quoi sont occupées mes journées, mais c'est beaucoup de réflexion qui peut se faire avec papier, crayon, ou parfois les mains vides, mais juste à essayer d'échafauder une démonstration mathématique, ça a un côté un peu architectural, parce que souvent nos démonstrations, elles prennent des pages et des pages, et donc on a besoin d'organiser dans sa tête une espèce d'architecture, et on le fait parfois sans papier ni crayon. Mais donc, il y a une partie créative et exploratoire qui est un petit peu dur à expliquer. Quelle est votre implication pour les mathématiques? On poursuit ce grand entretien, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Nalini Anantharaman. On vient de voir que vous êtes une chercheuse qui se place résolument du côté fondamental. Vous êtes une mathématicienne dans un domaine encore très masculin. Par rapport aux carrières dans l'enseignement supérieur, plus le niveau d'études est élevé, plus le nombre de femmes diminue. Quant aux mathématiques fondamentales, les femmes représentent à peine 14% des enseignants-chercheurs et 7% des professeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a pesé ? Non, absolument pas. En fait, moi, quand je suis arrivée en classe préparatoire, on était à peu près 4-5 filles dans des classes de 40. Mais j'avoue que je ne me suis pas posé particulièrement de questions à ce sujet. C'est-à-dire que bon, j'ai eu des échecs, des mauvaises notes, des difficultés, mais je ne me suis jamais dit que c'était parce que j'étais pas à ma place, parce que j'étais une femme. Je sais que des étudiantes me le disent, qu'elles réagissent comme ça quand elles rencontrent des difficultés, qu'elles se disent que c'est parce que simplement les filles sont pas faites pour ça. C'est aussi des discours qui sont transmis par les familles. Je le sais par des étudiantes que dans certaines familles, si une jeune femme dit qu'elle veut étudier les mathématiques, on lui dit oh attention, tu vas être au milieu de garçons, ça va être très dur, tu vas pas trouver de métier, etc. Mais voilà, bon, moi je me suis pas posé trop de questions. Par contre, j'ai eu des remarques sur le fait d'être une provinciale qui monte à Paris, par exemple, qui m'ont vexée. Donc c'était, il y a pas que le fait d'être une femme qui peut poser des difficultés, mais voilà. Donc et finalement, les premières fois où des personnes m'ont posé des questions sur le fait d'être une femme mathématicienne, c'était toujours des journalistes. C'est quand j'ai commencé à gagner des prix, à avoir un petit peu de succès professionnel, c'était toujours le sujet qui revenait. Et donc je me suis dit, bon, faut que je trouve quelque chose à dire, parce que jusqu'à présent, ça ne m'a pas posé de problème, mais visiblement, les journalistes veulent qu'on s'exprime là-dessus. Mais la parité, qu'il y ait plus de femmes scientifiques, c'est aussi quelque chose d'important, et pas seulement pour atteindre cette fameuse parité. Oui, oui, non, c'est important. En fait, d'une part, c'est important que tout le monde puisse puisse aspirer à... faire les études dont il a envie et qu'on ne dise pas aux gens qu'ils sont pas faits parce qu'ils sont une femme, ils sont pas faits pour tel ou tel type d'études. Et que après, c'est important aussi que les gens puissent progresser dans leur carrière et qu'à travail égal, les salaires soient égaux. Et puis, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle la parité en sciences est importante, c'est que, peut-être ce qu'on sait pas assez, c'est que quand on est chercheur, en particulier dans le milieu universitaire, mais aussi dans les départements de recherche des grandes entreprises comme Facebook ou Google, enfin qui ont toutes des départements de recherche avec des maths, quand on est chercheur, on est assez libre de choisir ses sujets de recherche. On nous dit pas il faut travailler sur tel domaine, et donc ça veut dire que les sujets qu'on choisit ils reflètent notre sensibilité. Et puis c'est pas des choix complètement anodins, c'est des choix. Nous au quotidien, évidemment, on se pose pas ce genre de questions parce qu'on choisit nos sujets de recherche en fonction des intuitions qu'on a, mais cela dit, les choix qu'on fait se répercutent d'une manière ou d'une autre sur la société. Moi, si je décide de réfléchir à une nouvelle version du théorème de l'indice, c'est pas la même chose que si je décide de réfléchir à une équation qui modélise la propagation d'une épidémie. Ça, c'est des choix que je peux faire et qui sont pas anodins pour la société. Donc, c'est important aussi pour ça que les scientifiques soient pas tous sur le même modèle, pas tous sur le même moule, quoi. Voilà, oui, important donc que toutes ces sensibilités différentes puissent être présentes en science. On est arrivé à la fin de cette discussion, comme chaque jour, et dans quelques secondes, on retrouve la chronique avec science. Mais je rappelle que les conférences du Collège de France sont ouvertes à toutes et à tous et qu'elles sont gratuites. Nalini Anantharaman, merci. Et on retrouve Alexandra Delbo qui nous parle de méga orage. C'est la chronique avec science. Qu'a quelle est la fréquence en France des derechos? C'est des méga-orages qu'on observe surtout aux États-Unis. Leur véritable nom, c'est système convectif à mésoéchelle. Mais derecho est plus facile à retenir et sa traduction de l'espagnol définit sa principale caractéristique. Ces complexes orageux, au lieu de tourner en rond autour d'un noyau comme ce qu'il se passe pour les ouragans par exemple, vont tout droit. Ils se déplacent en ligne et leurs autres propriétés tiennent surtout à leur puissance. David Efaranda est directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et co-auteur de cette étude parue dans Weather and Climate Dynamics. En fait, c'est très difficile de caractériser les orages parce que vous voyez, quand on a des orages, on a des rafales de vent, on a de la pluie, on a des grêlons parfois, on a des éclairs. Donc on a des tornades, on peut avoir des tornades. Donc les derechos, effectivement, c'est une caractérisation qui prend en compte la taille du système orageux. Donc on doit avoir un complexe d'orage étendu sur une centaine de kilomètres. Et après, il prend aussi en compte la distance parcourue par ces complexes d'orage. Donc elle doit voyager pour au moins 400 kilomètres. Et pour finir, il doit produire des rafales de vent à la surface, donc au moins 5 stations qui enregistrent des rafales de vent au-delà de 90 km à l'heure. Donc c'est comme ça qu'on peut caractériser un derecho. De précédentes études avaient déjà été réalisées en Allemagne, ainsi que quelques observations ponctuelles et potentielles de ces derechos en France, notamment en Corse le 18 août 2022. Le méga-orage, comme on l'appelait encore dans les médias, avait fait 5 morts et les rafales de vent étaient montées jusqu'à 224 km/h sur la partie ouest de l'île. Et c'est cet événement extrême qui a poussé ces scientifiques à mener un inventaire des méga-orages survenus sur notre territoire. Parce que l'Observatoire français des orages, Keraunos, avait déjà émis l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un derecho. Alors, pour mener ce premier recensement, ces scientifiques ont recherché dans les archives satellites et les données de Météo France des orages présentant les mêmes caractéristiques que l'on a décrites, un tracé tout droit sur plus de 400 km, du vent à 90 km/h au minimum et une largeur d'une centaine de kilomètres. Résultat des derechos, il y en a eu environ 3 tous les 5 ans en France sur les 23 dernières années, mais c'est la zone géographique de leur développement qui nous donne plus d'informations quant à leur origine. Et on a trouvé que ces derechos étaient plus probables dans les régions centre et est de la France et très peu probables sur les secteurs méditerranéens. Donc effectivement, on peut dire que les derechos qui a frappé la Corse en 2022 étaient un événement presque sans précédent. En fait, on retrouve un seul en 2003. Et 2003, comme vous pouvez vous souvenir, hein, c'est l'été très chaud avec des températures exceptionnelles. Et donc, on a pu voir que dans la période récente, ces derechos sont plus probables quand il y a de la chaleur humide qui reste près du sol et qui donc donne, c'est comme du kérosène pour après donner l'énergie, donner la possibilité aux orages de se former et de s'organiser dès qu'il y a de l'air frais qui arrive du secteur atlantique. C'est une analyse rétrospective, donc elle ne donne pas d'informations précises quant à ce qu'il adviendra dans le futur, dans un contexte de changement climatique. Mais on sait déjà que les conditions de chaleur humide, qu'on appelle l'instabilité atmosphérique propice à la formation de ces derechos, sont appelées à s'intensifier. On s'attend donc à un renforcement de ces phénomènes et donc des événements météorologiques qui les accompagnent. Vent violent bien sûr, mais aussi grêle, éclairs, pluie diluvienne et tornades, des épisodes plus puissants, mais reste à savoir si les derechos seront plus nombreux à l'avenir. Et c'est la poursuite de ces travaux avec un nouveau projet de recherche qui s'intéressera particulièrement à l'occurrence et aux conséquences de ces méga-orages sur les infrastructures liées à l'énergie. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Noé Chabanne. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.